les bêtes ouvrent le cri, comme un volcan les lave. Et cette éruption qui monte au firmament, d'ordinaire, suffit à leur apaisement. Les lions sont sereins, plus que les dieux peut-être. Jadis, quand l'éclatante Olympe était le maître, les Hercules disaient « Si nous étranglions à la fin, une fois pour toutes les lions ?» Et les lions disaient « Faisons grâce aux Hercules. » Pourtant, ce lion-ci, fils des noirs crépuscules, resta sinistre, obscur, sombre. Il était de ceux qui sont, à se calmer, rétifs et paresseux. Et sa colère était d'une espèce farouche. La bête veut dormir quand le soleil se couche. Il lui déplaît d'avoir affaire au chien rampant. Ce lion venait d'être en butte au guet-apens. On venait d'insulter la forêt magnanime. Il monta sur le mont, se dressa sur la cime et reprit la parole. Et comme le semeur jette sa graine loin, prolongea sa clameur de façon que le roi l'entendit dans sa ville. « Roi, tu m'as attaqué d'une manière vile. Je n'ai point jusqu'ici fait mal à ton garçon. Mais, roi, je t'avertis, par-dessus l'horizon, que j'entrerai demain dans ta ville, à l'aurore, que je t'apporterai l'enfant, vivante encore, que j'invite à me voir entrer tous tes valets, et que je mangerai ton fils dans ton palais. » La nuit passa, laissant les ruisseaux fuir sous l'herbe, et la nuée errer au fond du ciel superbe. Le lendemain, on vit dans la ville ceci. L'aurore, le désert, des gens criant merci, fuyant, face d'effroi bien vite disparu, et le vaste lion qui marchait dans les rues.